l'hôtesse. Nos femmes ne doutaient pas qu'incessamment l'homme de Dieu ne hasarda de remettre une lettre à sa pénitente, ce qui fut fait, mais avec quel ménagement! Il ne savait de qui elle était, il ne doutait point que ce ne fût de quelqu'un bienfaisant et charitable qui avait découvert leur misère et qui leur proposait des secours. Il la remettait assez souvent de pareil. Au demeurant, vous êtes sage, madame votre mère est prudente, et exige que vous ne l'ouvriez qu'en sa présence. » Mademoiselle Duquesnoy accepta la lettre et la remit à sa mère, qui la fait passer sur le champ à madame de la Pommeraye. Celle-ci, munie de ce papier, fit venir le prêtre, l'acclama des reproches qu'il méritait, et le menaça de le déférer à ses supérieurs, si elle entendait encore parler de lui. Dans cette lettre, le marquis s'épuisait en éloge de sa propre personne, en éloge de mademoiselle Duquesnoy, peignait sa passion aussi violente qu'elle l'était, et proposait des conditions fortes, même un enlèvement. Après avoir fait la leçon au prêtre, madame de la Pommeraye appela le marquis chez elle, lui représenta combien sa conduite était peu digne d'un galant homme, jusqu'où elle pouvait être compromise, lui montra sa lettre, et protesta que malgré la tendre amitié qui les unissait, elle ne pouvait se dispenser de la conduire au tribunal des lois, ou de la remettre à madame Duquesnoy, s'il arrivait quelque aventure éclatante à sa fille. « Ah, marquis, lui disait-elle, l'amour vous corrompt. Vous êtes mal né, puisque le faiseur de grandes choses ne vous en inspire que d'avilissantes. Et que vous en fait ces pauvres femmes, pour ajouter l'ignominie à la misère? Faut-il que parce que cette fille est belle et veut rester vertueuse, vous en deveniez le persécuteur? Est-ce à vous, à lui faire détester un des plus beaux présents du ciel? Par où ai-je mérité, moi, d'être votre complice? Alors, marquis, jetez-vous à mes pieds, demandez-moi pardon, et faites serment de laisser mes tristes amis en repos. » Le marquis lui promit de ne plus rien entreprendre sans son aveu, mais qu'il fallait qu'il eût cette fille, à quelque prix que ce fût. Le marquis ne fut pas du tout fidèle à sa parole. La mère était instruite. Il ne balança pas à s'adresser à elle. Il avoua le crime de son projet. Il offrit une somme considérable, des espérances que le temps pourrait amener, et sa lettre fut accompagnée d'un écrin de riches pierreries. Les trois femmes tinrent conseil. La mère et la fille inclinaient à les accepter. Mais ce n'était pas là le compte de madame de la Pommeraye. Elle revint sur la parole qu'on lui avait donnée. Elle menaça de tout révéler. Et au grand regret de nos deux dévotes, dont la gêne détacha de ses oreilles, des pendants qui lui allaient si bien, l'écrin et la lettre furent renvoyés avec une réponse pleine de fierté et d'indignation. Madame de la Pommeraye se plaignit au marquis du peu de fonds qu'il y avait à faire sur ses promesses. Le marquis s'excusa sur l'impossibilité de lui proposer une commission si indécente. « Marquis, marquis, lui demanda la Pommeraye, je vous ai déjà prévenu, et je vous le répète, vous n'en êtes pas où vous voudriez, mais il n'est plus temps de vous prêcher, ce serait parole perdue, il n'y a plus de ressources. » Le marquis avoua qu'il le pensait comme elle, et lui demanda la permission de faire une dernière tentative. C'était d'assurer des rentes considérables sur les deux têtes, de partager sa fortune avec les deux femmes, et de les rendre propriétaires à vie d'une de ses maisons à la ville et d'une autre à la campagne. « Faites, lui dit la marquise, je n'interdis que la violence. Mais croyez, mon ami, que l'honneur et la vertu, quand elle est vraie, n'ont point de prix aux yeux de ceux qui ont le bonheur de les posséder. Vos nouvelles offres ne réussiront pas mieux que les précédentes. Je connais ces femmes et j'en ferai la gageure. »